La trahison d'une fleur par Charles Lassailly. Orient, Orient, terre des fleurs, jardin de poésie, quel est le nom de celui de tes sylphes qui inventa le langage mystérieux du sélam? Et depuis tant de siècles que les belles filles d'Asie, enfermées au harem, n'ont pour être admirées que l'œil glacé de leur gardien, quelle est celle qui la première laissa tomber aux pieds d'un jeune homme, rêveur et tendre, un bouquet savant, discret interprète de ses ennuis? Car c'est ainsi que toujours l'esclavage se venge par le génie de la ruse, et que les deux plus saintes aspirations de l'âme humaine, l'amour et la liberté, reprennent partout l'usage sacré de leurs droits. Madame de Aulnay était une jeune femme de la plus parfaite innocence de cœur. Elle n'avait que des grâces en tout son être. Seulement, à la première vue, elle charmait sans qu'on la trouvât jolie, car l'espèce de beauté qu'elle avait ne se laissait découvrir que peu à peu et par je ne sais quel prestige invisible pour les regards indifférents. Il resplendissait en effet dans les agréments de son air une certaine réflexion harmonieuse de ses perfections intérieures, et Camoens a dit « La lune reçoit sa clarté du soleil comme le visage reçoit la sienne de l'âme ». Malgré la sérénité habituelle de ses regards, Madame d'Aulnay avait un sourire de mélancolie qui trahissait en elle de douloureuses et fatales pensées. On la surprenait aussi quelquefois en des accès de langueur pareils à ceux d'une personne qui souffre sans se plaindre. Cependant, on la croyait heureuse, et bien des gens lui portaient envie. Elle était jeune, belle et riche. Son mari, M. d'Aulnay, était un homme distingué dans ses manières et d'une assez noble figure, quoique l'ensemble de sa physionomie ne fût pas agréable. Il semblait d'ailleurs tenir avec elle une conduite pleine d'égards. En apparence, rien ne pouvait lui être reproché depuis son étrange mariage avec Mademoiselle Fanny de la Rivière. Ce mariage, d'ailleurs, n'avait paru étrange que parce qu'il s'était fait à l'imprévu, au grand scandale des parents les plus proches. Dans une petite ville de garnison, plusieurs officiers étaient reçus chez M. le baron de la Rivière, ancien préfet de l'Empire. Hector d'Aulnay était du nombre de ses privilégiés. Il n'avait jamais affiché de prétention à la main de Mademoiselle de la Rivière, et si l'on avait pu lui supposer quelque passion, l'on eût dû croire que la baronne en était l'objet. C'est dans ce sens du moins que s'exerçait la malignité publique lorsque le mariage eut lieu. L'étonnement fut général, et l'on parla vaguement du dévouement de la jeune mariée qui s'était sacrifiée, prétendait-on, pour assurer le repos de son père. M. d'Aulnay n'avait jamais eu de rivaux, mais il était jaloux de caractère. Aussi, dès son arrivée à Paris, il prit toutes sortes de précautions inimaginables pour ne pas voir le monde et pour séquestrer sa femme. Il ne recevait personne chez lui. Il ne fréquentait que des maisons où l'on ne dansait pas, où il ne venait point de jeunes gens surtout. De cette façon, il se persuadait, non pas gagner ou garder le cœur de celle qui portait son nom, mais en défendre l'entrée contre toute séduction. Madame d'Aulnay n'était ni coquette ni légère. Elle était sincèrement vertueuse. Les alarmes injustes de son mari avaient donc réveillé en elle l'aversion qu'elle semblait avoir toujours eue pour lui. Elle était mal à l'aise d'ailleurs d'une vigilance si soupçonneuse. Au milieu de ses chagrins, Dieu l'affligea de deux pertes bien regrettables. Sa mère et son père lui furent enlevés, à quelques semaines de distance, sans qu'elle eût pu trouver le temps, je ne dirais pas de se déshabituer de pleurer, mais de sécher ses premières larmes. Monsieur et Madame d'Aulnay abandonnèrent la capitale pour retourner en province afin d'y régler des affaires d'intérêt. Mais Fanny, toute absorbée par une douleur excessive, ne pouvait se consoler et ne voulait pas se distraire. Orpheline et se disant seule au monde, une apathie morne et sombre lui fit prendre la vie en dégoût. Elle allait sans cesse s'agenouiller devant deux croix du cimetière qui avoisinait le château. Elle restait ainsi, pendant des heures entières, semblable à une statue. Un soir qu'elle était ainsi, un jeune homme des villes, en costume de voyageur, la rencontra dans le cimetière. Sans doute, il ne songeait d'abord qu'à observer, car il était peintre, cette éternelle curiosité d'un site pittoresque et du jour mourant, si douce à la rêverie du poète qui pense et de l'homme qui souffre. Et l'heure était venue où les vieux murs noircis de l'église avaient étendu plus d'ombre sur les tombes silencieuses. Cependant, les soupirs seuls d'un être humain se faisaient entendre comme une petite brise, et les acacias en étaient presque émus. Le jeune peintre s'arrêta. Il éprouvait déjà ces frissons si connus de ceux qui ont aimé beaucoup, mais qui ont aimé en vain, et dont les moindres spectacles de la nature irritent aisément la sensibilité langoureuse. Lorsque Madame d'Aulnay se leva, lorsqu'elle rasa les herbes du gazon comme une ombre avec sa robe blanche et qu'elle marcha lentement, l'ayant presque touché, lui, de son voile, le jeune peintre, immobile, éperdu, trouva que cette femme était belle. Le lendemain, dès le matin, il était au cimetière. Il se mit à cueillir de tous côtés des violettes qu'il sema sur les deux tombes avec un ordre et un goût particulier, comme s'il eût voulu prouver qu'une main humaine y avait déposé le tribut d'une douleur intelligente. Louis d'Assoucy n'était pas un très jeune homme. Il avait atteint à peu près la trentaine, cet âge où l'amour ne fait plus commettre au vulgaire les charmantes extravagances de la passion. Mais il avait conservé, lui, peintre et poète, cette éternelle jeunesse du cœur à laquelle le culte de toutes les grandes choses et des nobles enthousiasmes sert de foyer. D'ailleurs, ce n'est pas à 20 ans, mais à 30 qu'on aime bien et beaucoup. À 20 ans, le cœur de l'homme est comme le nid d'où s'envole nombre de désirs impatients. Oiseaux qui veulent jouir à la fois de toutes les merveilles de la lumière, de tous les parfums des plaines et des collines, de toutes les étendues de l'espace. À 20 ans, l'on aime pour faire usage de la liberté qu'on a d'aimer. On donne son cœur trop vite et trop facilement, par curiosité surtout. L'on se hâte d'abuser, afin d'user. Mais à 30, l'imagination n'a plus de caprice, quoiqu'elle ait encore de la fougue. L'amour devient la grande et sérieuse affaire de la vie, et c'est alors que l'homme se prépare, avec calme et sans égoïsme, aux joies les plus pures de l'infini besoin d'aimer et d'être aimé. Cependant, la voyant si triste et la jugeant sincère, jamais Louis d'Assoucy n'osa même en silence aborder Madame d'Aulnay. Le plus souvent, il se contentait d'épier son passage à l'écart. Alors, il essayait d'esquisser un portrait fidèle, mais il était toujours mécontent de son travail, et il ne put réussir à le terminer. Elle, de son côté, s'engourdissait dans son chagrin. Déjà, elle se complaisait presque à cet état de torpeur, qui n'était pas sans un charme particulier pour ses ennuis, lorsqu'elle prit garde aux fleurs nouvelles dont les tombes de son père et de sa mère étaient parées chaque matin. Elle ne put douter de la main ni de l'intention qui les répandait. Sitôt qu'il se vit découvert derrière les arbres où il se cachait, le jeune peintre s'approcha de Madame d'Aulnay avec un air de respect qui suffit pour la retenir. « Madame, lui dit-il, je vous aime. » Il n'ajouta rien, mais comme elle ne répondait point à cause de l'émotion où elle se trouvait, il lui adressa des regards de suppliant. Alors elle lui dit d'une voix ferme, mais sans dédain, « Je suis mariée, monsieur. » Puis, comme une reine, elle s'en alla le front levé vers le château. Les jours suivants, elle ne reparut pas au cimetière. Le jeune peintre était désolé. D'où venait donc cette absence? Il prit des informations sur M. et Mme d'Aulnay. Les ménagements qu'il mit à le faire ne peuvent être exprimés. Aussi n'obtenait-il que des renseignements vagues et souvent infidèles à la vérité. Mais sa raison, son expérience, sa divination amoureuse rectifia le sens des propos invraisemblables qu'on lui tenait. À la fin, il sut tout. Alors Louis d'Assoucy s'éprit d'une pitié désintéressée pour le sort de la jeune et belle victime du château. Sa tendresse augmenta de tout ce qu'elle perdit en vue personnelle. Mais il commença de souffrir davantage à ne plus rencontrer Fanny, à ne plus la voir. Il éprouvait le besoin généreux de la consoler. Il avait la fièvre des maux qu'il ne pouvait soulager. Mille terreurs l'obsédèrent ensuite à mesure que l'absence se prolongea de jour en jour. Il tremblait qu'elle succombât d'une manière quelconque sous le fardeau des misères de son existence. Tantôt il s'imaginait qu'elle était malade, tantôt il soupçonnait que son mari l'enfermait comme une esclave. Vraiment, il n'eût pu résister à toutes ces angoisses de l'inquiétude lorsqu'aux alentours du château un petit marchand de figues vint à lui offrir de ses fruits en lui disant qu'il portait un panier des meilleurs qu'il eut chez Madame d'Aulnay, dont c'était le goût favori. Louis amusa quelque temps le petit marchand, et se mit à écrire sur un bout de papier déchiré dans son portefeuille quelques mots d'amour et de respect. Puis il les cacha sous les fruits du panier réservé, mais en y réfléchissant, il eut peur de compromettre le repos de cette pauvre femme. Il se hâta donc de rappeler son innocent commissionnaire, comme pour lui redemander absolument ces mêmes figues dont il avait envie, et il trouva le moyen de reprendre son billet. Pourtant, l'occasion ne pouvait se laisser échapper. Comme il luttait contre lui-même, éclairé d'une inspiration subite, il courut vers un oranger d'un jardin voisin. Il en cueillit une branche toute courte et ornée de quelques fleurs en boutons. Il la glissa ensuite à la place de son billet. Cependant, le petit garçon ne se doutait d'aucune de ses manœuvres, et promit de ne vendre son panier de figues qu'à cette bonne Madame d'Aulnay, sans quoi il le rapporterait au jeune peintre. Louis d'Assoucy attendit son retour. « Tu m'as donc préféré décidément cette dame ? Je t'aurais payé aussi cher qu'elle l'a fait ? J'ai bien manqué de vous vendre mes figues à vous. Imaginez que voilà Madame d'Aulnay elle-même qui les regarde dans mon panier et qui me dit « Celles de dessous sont moins belles que celles de dessus. » Moi, je m'approche pour lui prouver que je ne suis pas un trompeur. Pendant ce temps, elle se met à jouer avec un bout de branche d'oranger qui se trouvait là. Je ne sais comment. Elle avait l'air de rêver. Moi, je lui dis « Ah, ma bonne dame, il y avait tout à l'heure un beau jeune homme qui aurait bien voulu les avoir, mes figues, de ce panier. Et il ne me les a laissées que parce qu'elles étaient pour vous. « Vraiment ? » reprit-elle avec une voix tout agréable. « Vraiment ? » Qu'avait-elle donc ? Je ne comprenais pas grand-chose à ces mines d'amitié pour moi. Puis la voici qui regarde la branche d'oranger et qui me dit encore, comme si elle voulait n'être entendue que de moi seule. « Mais, mon petit ami, est-ce vous qui avez garé cela parmi vos figues ?»« Non, madame, c'est singulier, » fait-elle, « et je la vois pâlir. » Enfin, elle ordonne qu'on me paye et je m'en vais après l'avoir saluée. D'Assoucy était hors de lui. Toutes les espérances enivrant débordaient en son âme. Ô malheureux jeune homme ! À cette heure même, M. d'Aulnay venait d'entrer dans la chambre de sa femme et, contre sa coutume, annonça qu'il voulait y passer la soirée. Fanny était en train de découper avec un joli couteau d'acier doré les pages d'un volume de vers qu'elle allait lire. D'abord indifférente, puis étonnée, elle devint craintive quand elle entendit son mari s'exprimer sur un ton d'ironie. « Madame, le monde nous croit heureux ensemble, mais vous savez bien qu'il n'y a entre nous qu'un contrat, où vous m'avez seulement accepté pour le protecteur de votre personne et de votre fortune. Votre cœur ne m'a jamais appartenu, madame, et je vous avoue que je suis là de votre froideur, de votre aversion. » Fanny écoutait. Je vais droit aux conclusions de cet entretien. Je ne puis plus vivre dans de pareils termes avec vous, madame. Vous me faites passer, même à mes propres yeux, pour un tyran, et je vous aime trop sincèrement pour vous rendre malheureuse. Si donc ma vue vous est insupportable, il faut nous séparer. Mais ne portons point devant les tribunaux la supplique scandaleuse d'une séparation. Comme je gagnerai infailliblement mon procès, transigeons plutôt en silence, à l'amiable. Écoutez-moi, je vais vous parler franchement. Le voulez-vous ? Fanny le regardait, la bouche muette et les paupières fixes. Vous avez tort, le plus grand tort de me haïr, Fanny. Je vous chéris après tout. Il m'est dur de ne pouvoir guérir vos ressentiments, apaiser votre haine contre moi, et jamais je ne vous vis si séduisante qu'ici, par exemple. Vous êtes, Madame d'Aulnay, une magicienne bien dangereuse avec votre beauté et votre indifférence. Allons, ne restez pas mon ennemi, je vous en conjure. Laissez-moi, en signe de réconciliation, baiser vos mains de marbre au toucher si froid. Mais, monsieur, quel est le but de cette scène ? Ah, Fanny, croyez-vous que je ne souffrirai pas d'une rupture ? Me connaissez-vous si mal ? N'avez-vous pas compris le motif vrai de ma jalousie ? Hélas, je vous aime, et je vous suis odieux. Cet amour s'augmente chaque jour, votre haine aussi. Je ne vous hais pas, monsieur, et je vous pardonnerai volontiers le passé si... Ne dites pas cela. Je vois bien que vous désirez séparer votre existence de la mienne, et peut-être un sentiment secret. N'ajoutez pas un mot. Ce que vous craignez, monsieur, est une insulte pour moi. Je ne mérite pas vos offenses. Mon seul vœu est d'entrer dans un asile religieux où je finirai les quelques jours qui me restent à vivre. Pourquoi parlez-vous de jalousie ? Je n'aimerai jamais personne, monsieur. Cela me serait impossible à présent. Je suis morte au monde. Je vous suis trop attachée pour me refuser, Fanny, à contenter ce que je considère comme une fantaisie passagère. Mais cette fantaisie que vous auriez là me rendrait publiquement ridicule. Si vous ne me donniez une preuve ostensible de votre affection, et je n'en vois pas d'autre, je vous l'avoue, que de me passer la propriété de votre fortune, dont vous ne me cédez jusqu'à présent que l'usufruit. J'entends bien que vous garderez pour vous une rente honnête, mais comme j'ai de l'ambition, je chercherai à me consoler par une position dont vous deviendrez fier vous-même du malheur que j'aurai eu de perdre votre amour. Il me semble que je suis très raisonnable. Vous êtes indigne de moi, et l'avez toujours été, monsieur. Ma fortune, voilà tout ce que vous avez jamais aimé. Eh bien, je pourrais vous l'abandonner entière. Et Dieu m'est témoin que je me résignerai aisément à ce sacrifice moins pénible que tant d'autres. mais je ne sais quel dégoût souverain j'éprouve à satisfaire votre sordide ambition. Ah, c'est votre ambition sordide qui m'a rendue malheureuse. Aussi, un sentiment étrange de plaisir m'excite à contrarier vos plans les plus chers, à détruire le but de toute votre conduite jusqu'ici. Par là, je crois venger les malheurs de ma pauvre mère. Il ne suffirait pas, en effet, qu'une infranchissable barrière fût élevée entre vous et moi. Vous vous plaignez tout à l'heure de mon indifférence, et que vous importe, monsieur ? Madame, quelqu'un vous donne de mauvais conseils. Tremblez si mes soupçons se confirment. Et en même temps, il jouait avec le couteau d'acier qui était sur une table près de lui. Je ne vous aime pas, monsieur, mais j'aime mes devoirs et leur serai toujours fidèle. Allez, je ne crains rien de vos menaces, et d'ailleurs, je désire la mort. Quant à présent, je vous en prie, il est tard, retirez-vous. Elle avait tant de dignité dans le geste que M. Dolnay essayait d'abord de la calmer par des protestations hypocrites. Puis, voyant l'inutilité de ses efforts, « Si je n'ai plus de ménagement à garder, je saurai dompter à tout prix votre volonté altière. » Alors, menaçant et furieux, il lui présenta un papier. « Signez, signez-moi cet écrit où j'emploie la violence. Je me tuerai avant » s'écria-t-elle. Elle saisit alors le couteau d'acier et voulut s'en frapper le cœur. Ce fut un éclair. Il poussa un cri, retint son bras, et heureusement, le fer avait glissé sur une petite clé qui était suspendue au cou de Madame Dolnay par un ruban rose. Quoique légèrement blessée, Fanny tomba sur les tapis du parquet comme une victime au pied d'un sacrificateur. Au cri qu'il avait jeté, les domestiques de la maison accoururent. Monsieur Dolnay les congédia. Il déposa sa femme sur un sofa, lui prodigua les soins les plus minutieux et se promit de la veiller toute la nuit. Il espérait sans doute qu'il serait tenu compte de ce dévouement intéressé. Et comme il réfléchissait, comme il s'imaginait vraiment que quelque personne inconnue était dans la confidence de sa femme et l'aigrissait contre lui, voilà qu'une odeur, suave d'abord, puis importune, arriva jusqu'à lui. Il se mit à en suivre la trace, afin de s'en débarrasser, car l'arôme s'épanouissait dangereusement à la faveur de la nuit dans l'atmosphère d'une chambre close. C'était l'odeur d'une fleur d'oranger. Il la sentait près de lui, il ne voyait la fleur nulle part. Cependant, il approcha par instinct de son odorat une petite cassette en bois de cèdre où Madame Dolnay mettait ses trésors les plus précieux. Il reconnut que la plante était cachée là. Mais la clé? Où était la clé? Tout à coup, il aperçut le ruban rose que Fanny portait à son cou. Il se souvint de la clé mignonne qui s'y trouvait suspendue. La cassette fut ouverte. Il s'y rencontra bien une fleur d'oranger, mais rien, rien d'autre chose. Pourquoi donc Fanny avait-elle pris tant de soin d'une si misérable branche d'arbuste? Il lui vint mille idées bizarres à l'esprit. L'une d'elles le frappa de surprise. Alors, allant vers le sofa et secouant le bras de cette pauvre femme, « Voici des fleurs d'oranger qui me font mal à la tête. Je vais les jeter dehors. Le voulez-vous ? » « Non, non, » fit-elle, un peu égarée encore. « Ne le faites pas. »« Quelle raison avez-vous donc de tenir à ces fleurs, madame ?»« Aucune. »« Vous mentez car votre voix faiblit. » Hélas, tuez-moi plutôt que de m'interroger. Que dites-vous? Je veux savoir ce que signifie cette fleur et le sens que vous y attachez. Je vous assure que je n'y attache pas moi-même de sens. Pourquoi la conserviez-vous donc si précieusement? C'est un vieux souvenir. Un vieux souvenir? Vous avez menti, vous me trompez, madame. Un vieux souvenir, une fleur fraîche encore, coupée d'hier à la branche. Ah, mais qui donc l'a coupée? Si c'est un cadeau? Si c'est un hommage? « Vous avez un confident, madame. Ces sortes de fleurs sont le bouquet que reçoit une jeune fille. Vous vous êtes joué de moi. Quelqu'un a mon secret. Je suis ridicule pour quelqu'un. Je ne le serai pas longtemps. Allons, nommez-moi cet homme. » « J'ignore ce que vous voulez dire et je ne suis coupable de rien. Je vous le jure devant Dieu qui m'écoute. »« Je le saurai bientôt, madame. Malheur à vous. » Il sortit. Cependant, le jeune peintre en restait en proie à des inquiétudes indéfinissables. Il envoya son petit marchand de figues au château avec un billet dans un panier. Mais Madame Dolnay n'était plus visible. Le panier revint avec le billet non décacheté. Comment s'y prendre? Chaque jour, Louis faisait un pas de plus aux alentours de la prison de Fanny. En premier lieu, il avait l'air de passer par hasard. Mais bientôt, ses regards inquiets, son visage troublé, le firent soupçonner du mari. Monsieur Dolnay dissimula sa jalousie. Louis devint plus hardi. Déjà, il ne redoutait plus de s'arrêter le soir, sous la croisée, pour une ombre qu'il entrevoyait derrière la gaze des rideaux. Une nuit, à la fin, pendant que, revêtu d'une blouse de paysan et déguisé sous un chapeau de paille au large bord, il s'était assis en face du château, M. Dolnay vint à sa rencontre et fit mine de le prendre pour un homme qui avait dessein de s'introduire chez lui. Louis se leva fièrement, mais comprima sa colère au fond du cœur tant il avait d'abnégation dans son amour. À peine ont-ils fait quelques pas que M. Dolnay lui dit « J'ai des regrets à vous adresser, monsieur. Vous n'êtes pas ce que je supposais dans l'ombre. Votre tournure annonce un homme comme il faut. Toutefois, je ne conviens jamais que j'ai eu tort en quoi que ce soit. Je vous offre la seule réparation qui me semble permise envers un égal. Je suis à vos ordres. » Louis comprit le sens caché de ses paroles. Il répondit « Demain matin, près du cimetière. » « Soit, » dit M. Dolnay, et il rentra au château. Le lendemain matin, par un de ces pressentiments que l'on ne saurait expliquer, Mme Dolnay, tout émue, sollicita de son mari la permission de se rendre au cimetière pour aller pleurer, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, sur la tombe de sa mère. Il y consentit en souriant ironiquement. Louis d'Assoucy attendait au rendez-vous indiqué. M. Dolnay arriva bientôt de son côté. « Monsieur, c'est à mort. » « À mort, » reprit le peintre. Les adversaires avaient à marcher l'un sur l'autre. L'ancien officier fit quelques pas. Louis restait immobile. Il ne voulait pas tirer le premier. M. Dolnay, voyant cela, lui dit « Je ne manque jamais mon coup, monsieur. » Et il lâcha la détente de son pistolet. Le jeune homme tomba par terre. Il était atteint mortellement. Au bruit de la détonation, Mme Dolnay, qui était prête à prier près de là, se précipita vers l'endroit fatal. Elle eut horreur de ce qu'elle vit. Elle reconnut le mourant. Elle se jeta à genoux. « Oh, mon Dieu !» Hélas, elle ne put en dire davantage. Son mari s'approcha d'elle et la relevant brusquement. « Je l'avais deviné. C'est le galant au bouquet d'oranger. Vous l'aimiez, madame ?»« Je ne le sais qu'à présent, » dit-elle. Ainsi s'achève La trahison d'une fleur par Charles Lassailly.